Y'avait pas beaucoup de monde quand je me noyais. Mais de toute façon rien à foutre des autres. J'ai dit à maman tu paieras plus loyer. Tes fils c'est devenu tes âmes. Tu me l'as fait à moi, un nenni. Fais pas le con, fais pas le fou. Fais demi, elle sent le genre, elle fait le sac. Elle vit, j'ai pas le temps si je vends Jack Enemy. Je passe à bloc en bolide, ouais ouais. Elle est bonne comme ma weed, ouais ouais. Elle m'a souri, je suis demi, ouais ouais. Je m'arrête, la valide, ouais ouais. On se plaît, on se voit, toi et moi on va boire un verre. Regarde pas l'heure. Tu m'auras une fois mais pas deux. J'fais plus l'erreur. Ouais, ce soir ça c'est mes frères. J'ai pas rentré qu'est-ce qu't'as fait. Ce soir c'est pour les vrais. Tu es celle qu'on galérait. J'pisse à droite à gauche, j'peux pas fumer tranquille. J'peux pas me poser au calme. Fais pas ta belle, t'es moche, j'suis dans le big love, normal, j'te recale. Donne-moi ton numéro, faire faveur. J'te rappelle ce soir, ma jolie. J'te récupère en moto, en tracé. J'ai de la beuf, faut qu'on esquive la police. C'était ton fils au mic. Faudrait qu'ils arrêtent mentir sur leur life. Mon cœur, t'es mon rayon de soleil. J'peux pas voir ailleurs, toi, t'es ma wife. On se plaît, on se voit, toi et moi, on va boire un verre. Regarde pas l'heure. Tu m'auras une fois mais pas deux. J'fais plus l'erreur. Ouais ce soir ça c'est mes frères. J'ai pas rentré qu'est-ce qu't'as fait. Ce soir c'est pour les vrais. Tu es celle qu'on galérait. On se plaît, on se voit. Toi et moi on va boire un verre. Regarde pas l'heure.